Oh yes. Chérie, allons danser au safari. Chérie. chérie, allons danser, danser, danser, chérie, allons danser à la sirène, chérie, allons danser, danser. Danser, danser, chérie, allons.